La Lorraine crut devoir passer dans la chambre de Crevel, où elle trouva Victorin et sa femme assis à 3 pieds de distance du lit du pestiféré. « Lisbeth, dit-il, on me cache l'état dans lequel est ma femme. Tu viens de la voir. Comment va-t-elle ? » ?»« Elle est mieux, elle se dit sauvée, répondit Lisbeth en se permettant ce calembour afin de tranquilliser Crevel. « Ah bon ! » reprit le maire, « car j'avais peur d'être la cause de sa maladie. On n'a pas été commis voyageur pour la parfumerie impunément. Je me fais des reproches. Si je la perdais, que deviendrais-je ? Ma parole d'honneur, mes enfants, j'adore cette femme-là. » Crevel essaya de se mettre en position en se remettant sur son séant. « Oh, papa ! » dit Célestine, « si vous pouviez être bien portant, je recevrais ma belle-mère, j'en fais le vœu. » « Pauvre petite Célestine, reprit Crevel, viens m'embrasser. » Victorin retint sa femme qui s'élançait. « Vous ignorez, monsieur, dit avec douceur l'avocat, que votre maladie est contagieuse. » « C'est vrai, répondit Crevel. Les médecins s'applaudissent d'avoir retrouvé sur moi je ne sais quelle peste du Moyen-Âge qu'on croyait perdue, et qu'ils faisaient tambouriner dans leurs facultés. C'est fort drôle. « Papa, dit Célestine, soyez courageux, et vous triompherez de cette maladie. Soyez calmes, mes enfants. La mort regarde à 2 fois avant de frapper un maire de Paris, dit-il avec un sang-froid comique. Et puis, si mon arrondissement est assez malheureux pour se voir enlever l'homme qu'il a 2 fois honoré de ses suffrages, hein, voyez comme je m'exprime avec facilité. Eh bien, je saurai faire mes paquets. Je suis un ancien commis voyageur. J'ai l'habitude des départs. Ah, mes enfants, je suis un esprit fort.